À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung, le spectacle du personnel enseignant et administratif et des étudiants de l'université a eu lieu le 30 septembre à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Y ont assisté Kim Yong-nam, Park Bong-joo et autres cadres responsables du parti et de l'État, le personnel enseignant et administratif, les étudiants et les diplômés de l'université, des cadres des organismes du parti et du pouvoir, du cabinet, des ministères, des établissements centraux, des écoles supérieures de la ville de Pyongyang, des délégations et délégués de divers pays en séjour dans notre pays pour participer à la célébration de l'anniversaire de l'université, la délégation de la Grande École coréenne de l'Association générale des Coréens au Japon, des compatriotes coréens d'outre-mer, des étudiants qui suivent des cours de maîtrise, des chercheurs et des stagiaires étrangers à l'université, des diplomates étrangers en Corée.